بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Louange à Allah qui a révélé le livre à son serviteur sans le moindre détour. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Une révélation bien cohérente afin que le messager avertisse les hommes de la rigueur terrible du Seigneur et qu'il annonce aux croyants qui font le bien qu'ils auront une belle récompense dont ils jouiront à jamais. Et qu'ils mettent aussi en garde ceux qui disent qu'Allah s'est donné un enfant. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Sans que ni eux ni leurs ancêtres ne puissent en avoir aucune connaissance. Quelle monstruosité que le blasphème qui sort de leur bouche! Quel mensonge que ce qu'ils profèrent! Peut-être te consumes-tu en chagrin à la suite de leur refus de croire à ce message. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Nous avons fait de ce qui est sur terre une parure pour elle, afin d'éprouver ses habitants et de reconnaître qui, parmi eux, accomplira les meilleures œuvres. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Puis nous transformerons ce décor en sol aride. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Penses-tu que les hommes de la caverne et d'Ar-Raqim furent parmi nos signes les plus étonnants? إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Lorsque ces jeunes gens se sont réfugiés dans la grotte en disant Seigneur, accorde-nous une grâce émanant de toi et aide-nous à trouver la bonne voie dans notre entreprise. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne des années durant. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Puis nous les avons réveillés. Afin de reconnaître lequel des deux parties, se disputant à leur sujet, a le mieux évalué la durée de leur séjour. Nous te donnons ici la vérité sur leur histoire. Ce sont des jeunes gens qui ont cru à leur Seigneur et dont nous avons renforcé la foi. <t'-> شَطَطًا. Nous avons aussi affermi leur cœur lorsqu'ils se sont levés pour dire « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons aucune divinité en dehors de lui. Sinon, nous dirions une iniquité flagrante. » لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا. Hélas, voilà que notre peuple a choisi des divinités en dehors de lui. Si encore il pouvait apporter une preuve évidente à leur sujet, qui est donc plus injuste que celui qui forge des mensonges contre Allah? وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا. Puisque vous avez rompu avec ces gens et avec ce qu'ils adorent, n'adorant qu'Allah, réfugiez-vous dans la caverne. Allah répandra sa miséricorde sur vous et vous ménagera une issue convenable. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Le soleil en se levant contournait leur caverne sur la droite et en se couchant, il déclinait sur la gauche alors qu'il reposait dans l'espace du milieu. Cela est l'un des signes de la puissance d'Allah. Celui qu'Allah dirige sera bien guidé, et celui qui l'entend égaré ne trouvera ni protecteur ni guide. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Tu les croirais éveillés alors qu'ils dormaient. Nous les faisions tourner sur le côté droit et sur le côté gauche. Leur chien étendait ses pattes à l'entrée. Si tu les avais découverts, tu te serais enfui aussitôt plein d'épouvante. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. C'est ainsi que nous les avons réveillés. Aussitôt, ils se mirent à s'interroger entre eux. L'un d'eux dit: combien de temps sommes-nous restés ici? Un autre répondit: une journée ou une partie de journée. Ils dirent: votre Seigneur connaît mieux la durée de votre séjour. Envoyez donc l'un de vous en ville avec cet argent pour chercher la meilleure nourriture à nous apporter, qu'il soit habile afin de n'attirer l'attention de personne. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. En effet, si ces gens mettaient la main sur vous, vous seriez lapidés ou ramenés de force à leur culte et vous ne triompheriez plus jamais. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ainsi avons-nous voulu qu'ils soient découverts pour que les habitants de la cité sachent que la promesse d'Allah sera toujours accomplie et que l'heure de la résurrection est inéluctable. Puis, les gens se disputèrent au sujet du sort à leur réservé. Certains suggérèrent « Édifiez un mausolée sur leur tombe. Leur Seigneur seul sait ce qu'il en est d'eux. » Mais ceux dont l'opinion a prévalu dirent « Nous allons ériger un temple sur eux. » سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Ils étaient trois, affirmeront certains, leur chien étant le quatrième. D'autres diront, ils étaient au nombre de cinq, leur chien étant le sixième, pure conjecture que rien n'atteste. D'autres enfin soutiendront, ils étaient sept, et leur chien était le huitième. Dis, Allah en connaît mieux le nombre exact, dont très peu de gens sont informés. Dans la controverse les concernant, limite-toi aux aspects les plus clairs. Ne cherche à t'informer auprès de personne à leur sujet. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Ne dis jamais d'une chose, je ferai ceci demain, sans ajouter, pourvu qu'Allah le veuille. Inch'Allah, invoque le nom de ton Seigneur si ta mémoire te fait défaut en disant, puisse mon maître me guider vers la voie la plus proche de la rectitude. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. En fait, ces jeunes gens sont demeurés dans leur caverne 300 ans, auxquels s'ajoutent 9 autres. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Dis, Allah connaît le mieux la durée de leur séjour. À lui appartient le mystère des cieux et de la terre. Comme il voit tout, comme il entend tout, personne n'a de protecteur en dehors de lui. À son pouvoir, il n'associe personne. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Attache-toi à réciter ce qui t'a été révélé dans les Écritures de ton Seigneur. Ses paroles sont immuables et tu ne trouveras point de refuge en dehors de lui. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Prends patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir cherchant sa face. Que ton regard ne les dépasse pas pour convoiter le décor de la vie d'ici-bas. N'écoute pas celui dont nous avons rendu le cœur indifférent à notre rappel, qui ne fait que suivre ses penchants et qui se comporte toujours en outrancier. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Dis, voici la vérité émanant de votre Seigneur. Y croira qui voudra, et la reniera qui voudra. Nous avons réservé aux injustes un grand feu dans la rotonde auquel ils seront cloîtrés. S'ils appellent au secours, ils l'auront sous forme d'une eau bouillante comme du métal fondu leur brûlant les visages. Quel horrible breuvage! Quelle triste retraite! Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres sauront que nous ne laissons point se perdre les efforts des bienfaiteurs. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Ceux-là seront admis dans les jardins d'Éden et des ruisseaux couleront sous leurs pieds. Ils y seront parés de bracelets d'or et revêtiront des habits verts faits de soie et de brocart s'accoudant sur des lits somptueux. Quelle magnifique récompense! Quelle belle retraite! وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Cite-leur en exemple le cas de deux hommes dont nous avons doté l'un de deux jardins de vignobles bordés de palmiers avec un champ de blé entre eux. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Chacun des deux jardins donnait son plein rendement sans aucun déficit, car nous avons fait sourdre une fontaine qui coulait à travers les jardins. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Celui qui en cueillait les fruits dit à son compagnon au cours de leur dialogue « Je suis plus riche que toi et plus fort par mon clan. » Puis il entra dans son jardin et dit, se portant ainsi tort à lui-même, « Je ne crois pas que ce jardin puisse jamais périr. » Je ne crois pas non plus à l'avènement de l'heure. Si jamais je devais être ramené au Seigneur, je trouverais sûrement une fortune meilleure que mon jardin. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Son compagnon qui discutait avec lui répliqua en disant « Oses-tu à ce point renier celui qui t'a créé de poussière ?» puis d'une goutte de sperme, puis t'a donné la forme d'un homme. Quant à moi, je reconnais Allah, mon maître, je ne lui associe personne. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُوتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. Que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin ? Ah, telle est la volonté d'Allah. Il n'est de force que de lui. Si tu trouves que je suis moins pourvu que toi en bien et en enfant, il se peut néanmoins que mon maître me donne mieux que ton jardin, et que, par une calamité du ciel, il le transforme soudain en sol dénudé. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Ou que l'eau qui l'arrose se perde sous terre, sans que tu puisses en trouver les traces. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. En effet, toute sa récolte fut dévastée. Il se mit aussitôt à se tordre les mains, désemparé pour avoir tant investi dans ses jardins, dont les échalas s'étaient vidés de leurs treilles, et s'écriant « Que n'eussais-je pas prêté d'associer au Seigneur ?» Il n'eut aucun parti pour le soutenir contre Allah. Et il ne put point gagner. En fait, la vraie protection relève d'Allah, le vrai. C'est lui qui détient la meilleure récompense et qui garantit la meilleure issue. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Propose-leur une autre parabole. La vie dans le monde d'ici-bas est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui fait pousser une végétation dense. Mais, très vite, celle-ci devient une poussière de chaume vannée par les vents. En vérité, la puissance d'Allah s'étend sur toute chose. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. Richesses et enfants sont les ornements de la vie d'ici-bas, alors que les œuvres pies perdurent et procurent la meilleure récompense auprès du Seigneur, en offrant la meilleure espérance. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Le jour où nous mettrons les montagnes en branle et où la terre sera mise à découvert, nous ramènerons à nous tous les hommes sans en délaisser personne. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Ils se présenteront en rang devant leur Seigneur. Il leur sera dit: Vous voilà venus à nous tels que vous étiez lorsque nous vous avons créés pour la première fois. N'avez-vous pas prétendu que nous n'avions pas fixé ce rendez-vous en ce jour ? ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Le livre des bilans sera posé devant eux. On verra les criminels fort angoissés par son contenu. Ils diront: Malheur à nous! Quoi? Un livre qui ne laisse aucune faute, qu'elle soit légère ou grave, sans la recenser. Ainsi se retrouveront-ils en face de leurs œuvres, et nul ne sera lésé par Allah. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Souviens-toi quand nous avons dit aux anges: Prosternez-vous devant Adam. Tous s'inclinèrent, hormis Iblis, issu des djinns, qui se rebella contre l'ordre du Seigneur. Oseriez-vous le prendre, lui et sa descendance, pour mettre en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis jurés? Quel détestable échange pour les injustes! Ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal-ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidha al-mudillina 'adada. Je ne les ai pas fait assister à la création des cieux ni de la terre ni à leur propre création, non. Je n'allais pas prendre les démons trompeurs pour assistants. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. Ce jour-là, le Seigneur dira aux païens, « Appelez donc mes prétendus associés. Ils les appelleront en vain, mais ils ne répondront pas à leur appel, car nous les aurons séparés d'eux par un abîme. » Les criminels verront venir le feu et seront persuadés d'avoir à l'affronter. En effet, ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Nous avons certes exposé dans ce Coran toutes sortes d'exemples édifiants pour convaincre les hommes, mais l'homme est l'être le plus contestataire. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا. Qu'ont donc les hommes à ne pas croire lorsqu'ils ont reçu le guide de salut? Qu'ont-ils à ne pas implorer le pardon du Seigneur? Sinon qu'ils attendent de subir le sort des anciens ou de se trouver face au châtiment. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. Nous n'envoyons les messagers que pour annoncer les bonnes nouvelles ou donner des avertissements. Mais les mécréants s'obstinent à opposer le faux au vrai et à tourner en dérision mes signes et mes avertissements. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Y a-t-il donc plus injuste que celui à qui on rappelle les signes du Seigneur et qui s'en détourne, oubliant les méfaits qu'il a déjà commis? Nous avons couvert de voile les cœurs de ces criminels. Aussi ne peuvent-ils rien comprendre. Nous avons obstrué leurs oreilles. Tu as beau les convier au salut, jamais ils ne suivront la bonne voie. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. Si ton Seigneur, l'indulgent et le miséricordieux, leur tenait rigueur de leur forfait, il aurait hâté leur châtiment. Mais il leur a assigné un terme qu'ils ne sauraient éluder. À ne pas oublier ces cités que nous avons fait périr pour leur iniquité en assignant un terme fixé pour leur ruine. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Souviens-toi de Moussa lorsqu'il dit à son Seigneur: Je n'aurai de cesse tant que je n'aurai pas atteint le confluent des deux mers, dussé-je marcher des années entières. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Moussa et son serviteur finirent par atteindre le confluent, mais ils avaient oublié le poisson qui leur servait de viatique. Celui-ci trouva sa voie pour atteindre la mer et disparut. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Après être allé plus loin encore, Moussa dit à son valet: Apporte-nous notre repas. Ce voyage nous a accablés de fatigue. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Le valet répondit: Ah, voilà que lorsque nous nous sommes arrêtés au rocher, j'ai oublié d'avoir l'œil sur le poisson. Satan a dû m'inspirer cette négligence et le poisson a pris le large. Vraiment étonnant. Moussa dit alors: Voilà justement ce que nous cherchions. Puis tous deux revinrent sur leurs pas. Ainsi rencontrèrent-ils un homme parmi nos serviteurs, sur qui nous avons étendu notre grâce et que nous avons doté d'un grand savoir émanant de nous-mêmes. Moussa lui dit: Pourrais-je être ton disciple pour que tu m'inities à cette sagesse que l'on t'a enseignée? Celui-ci répondit: Tu n'aurais pas assez de patience pour supporter ma compagnie. Comment pourrais-tu être patient devant certaines choses que tu n'arriveras pas à t'expliquer? قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Moussa dit: Tu me trouveras, Inch'Allah, maître de moi-même et entièrement soumis à tes ordres. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. L'autre lui dit: Si tu m'accompagnes, ne me questionne sur rien. Attends toujours que je t'en parle le premier. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Ils partirent ensemble, mais lorsqu'ils montèrent à bord d'un bateau, l'homme s'empressa de l'endommager. Moussa s'écria: Quoi? L'as-tu endommagé pour noyer ses occupants? Tu commets là une énormité. Il lui répondit: Ne t'ai-je pas averti que tu ne saurais supporter ma compagnie? قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Moussa lui dit, ne me tiens pas rigueur de cet oubli et ne m'accable pas d'une épreuve trop rude. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Ils continuèrent leur route et rencontrèrent un jeune garçon. L'homme s'empressa de le tuer. Moussa protesta. « Quoi ? Tu es une personne valide sans que ce soit pour en venger une autre. Voilà un geste bien odieux. » L'homme dit, « Ne t'ai-je pas averti que tu n'aurais pas la patience de demeurer avec moi ?» قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Moussa répondit, après cette fois-ci, si je t'interroge sur ce que tu fais, tu te libéreras de ma compagnie. Tu mérites des excuses de ma part. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Ils poursuivirent leur voyage et arrivèrent dans une cité. Ils demandèrent à ses habitants de quoi se nourrir. Les habitants refusèrent de leur offrir l'hospitalité. Ils y trouvèrent un mur qui menaçait de s'écrouler. Le sage le redressa. Moussa lui dit, « Tu aurais pu, si tu le voulais, demander un salaire pour ce travail. » Le sage lui dit, « Voici le moment de nous séparer. Mais avant, je t'expliquerai les faits qui t'ont paru insupportables. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. D'abord, le bateau appartenait à des infortunés qui travaillaient en mer. J'ai voulu le rendre défectueux car, devant eux, il y avait un monarque qui confisquait tous les bateaux en bon état. Quant à l'adolescent, c'était le fils de deux parents croyants. Nous avons craint qu'il ne les accablât par son arrogance et son infidélité. Ton Seigneur a décidé de leur donner en échange un autre, plus vertueux et plus prompt à les vénérer. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Quant au mur, il appartenait à deux orphelins de la cité, dont le père était un saint homme. Il possédait un trésor sous ce mur. Allah a décidé qu'ils atteignent la force de l'âge et puissent sortir leur trésor par sa miséricorde. Je n'ai rien fait de tout cela de ma propre initiative. Voilà l'explication des faits que tu n'as pu supporter. Ils t'interrogent aussi au sujet de Dhul-Qarnayn. Dis-leur, je vous donnerai de son histoire une citation d'Allah. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا C'était un homme à qui nous avions accordé la suprématie sur terre et donné des voies et moyens de toutes sortes. Il suivit une voie qui le mena au couchant. Il trouva que le soleil disparaissait auprès d'une source d'eau chaude. Là, il découvrit un peuple. Nous avons dit « Ya Dhul-Qarnayn, soit tu les châties, soit tu essaies de les prendre par la douceur. » قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا ذو القرنين dit celui qui est injuste je le châtierai maintenant puis il sera ramené à son seigneur qui lui infligera un tourment inouï. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا Quant à celui qui croit et qui accomplit de bonnes œuvres, il aura la belle récompense. Nous lui exprimerons les propos de la douceur. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا Puis Dhul-Qarnayn suivit une autre voie pour atteindre le levant. Là, il trouva que le soleil se levait sur un peuple dont nous ne l'avions pas protégé par un voile. Ainsi, nous savons parfaitement tout ce dont il dispose. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Puis il suivit une voie pour atteindre un col situé entre deux chaînes de montagnes en deçà desquelles il trouva un peuple qui comprenait à peine le langage humain. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يا ذا القرنين يأجوج وماجوج sème le désordre sur terre. Veux-tu que nous te payions un salaire pour que tu dresses une digue entre eux et nous ? Dhul-Qarnayn répondit : Ce qu'Allah m'a accordé est bien mieux. Aidez-moi de toutes vos forces et je bâtirai un barrage entre vous et eux. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Apportez-moi des barres de fer. Lorsque l'édifice atteignit le niveau des cimes, il leur dit « Soufflez !» Lorsque le feu devint incandescent, il leur ordonna « Apportez-moi du bronze pour le verser dessus. » Ya'juj et Ma'juj n'ont pu ni surmonter la digue, ni y faire une brèche. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. ذو القرنين dit ceci est fait par la grâce de mon maître. Quand sa promesse s'accomplira, cet ouvrage sera réduit en poussière. La promesse du Seigneur est inéluctable. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Ce jour-là, nous avons laissé ces peuples errer les uns parmi les autres. Quand la trompette sonnera, à ce moment-là, nous les rassemblerons tous. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. Ce jour-là, nous présenterons la GN aux mécréants de très près. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Ceux-là dont les yeux étaient couverts d'un voile, qui ne pouvaient voir les signes de mon rappel et qui ne pouvaient rien entendre. Comment les mécréants croient-ils pouvoir choisir mes serviteurs comme alliés contre moi? En vérité, nous avons apprêté la Géhenne pour l'accueil des infidèles. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Dis-leur, voulez-vous que je vous informe de ceux dont les œuvres sont vaines et dont les efforts dans la vie d'ici-bas sont peine perdue, alors qu'ils croient bien faire? أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Ce sont ceux qui renient les signes de leur Seigneur et sa rencontre. Toutes leurs œuvres seront réduites à néant, et le jour de la résurrection, nous ne leur accorderons aucun poids. Telle est leur rétribution, la Géhenne, pour avoir rejeté la foi et tourné mes signes et mes messagers en dérision. Par contre, les croyants qui accomplissent les œuvres pies seront les hôtes du paradis, où ils vivront pour toujours, sans jamais vouloir le quitter. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dis-leur, si les eaux de la mer étaient de l'encre pour écrire les paroles de mon maître, la mer tarirait avant que ne s'achève la transcription des paroles de mon maître, même si nous y ajoutions une quantité d'eau équivalente. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dis-leur, je ne suis qu'un mortel comme vous, et il m'est révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Que quiconque espère la rencontre de son maître accomplisse de bonnes œuvres et n'associe personne au culte de son Seigneur.